J'ai une histoire pour vous, Mathieu Vidard. Ah, allez-y. Un candidat écologiste au municipal à Dijon a inscrit en gros caractères sur ses affiches « sexe ». Et il ajoute, maintenant que vous êtes attentif, on va parler du climat. Voilà, c'est ça. Tandis qu'à Paris, tous les candidats mettent climat en gros. Et personne n'écoute. Bah non, tout le monde parle de sexe, bien sûr. Alors, notre thème toute la semaine. Waouh. Enquête sur la sexualité dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et on commencera par Pasolini. Dans l'ensemble, la femme aime ça. L'homme aime ça. Enquête sur la sexualité et d'abord Pasolini au nom du corps. Pour la première fois. C'est la première fois, ou presque, qu'on fait un film que les Français appellent du cinéma vérité. Et pour la première fois, ce cinéma vérité, en Italie, aborde la question du sexe, qui est tabou non seulement à l'écran, mais même dans les salons et les conversations. C'est pourquoi je pense qu'il est bon que tu fasses cette enquête. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter. Au moment où il tournait l'Évangile selon saint Matthieu, Pasolini faisait un film pionnier que son ami Alberto Moravia, l'écrivain, décrit dans les termes qu'on vient d'entendre. Nous sommes en 1964. Bonjour à vous, Fabrice Bourlaise. Bonjour, Jean Lebrun. Alors, vous êtes philosophe et psychanalyste. À Reims, vous enseignez aux Beaux-Arts et à Sciences Po. Vous tenez aussi un ciné-club. En effet. Vous avez consacré toute une série, j'imagine. Sur Pasolini. Ouais. Auquel vous avez aussi consacré un livre qui s'appelle Pulsion pasolinienne chez Francisco Polis, Presse du réel. Avant qu'on entre dans le corps de ce film, si je puis dire, Enquête sur la sexualité, c'est le bon titre d'ailleurs? C'est pas véritablement le bon titre, c'est-à-dire que Enquête sur la sexualité, c'est une traduction approximative de Comizi d'amore. Comizi d'amore, ça veut dire les comices d'amour, rassemblement politique, une assemblée, un temps d'échange sur l'amour. Il y a un beau texte de Michel Foucault qui propose la traduction suivante. Foucault proposait de parler de propos de rue sur l'amour, ce serait peut-être plus joli, mais... En même temps, si on y réfléchit, l'enquête sur la sexualité, ça pourrait être la globalité à travers laquelle on appréhende l'œuvre de Pasolini. C'est-à-dire que toute l'œuvre pasolinienne pourrait être comprise, lue à travers l'idée de mener une enquête sur la sexualité. Toute la jeunesse de Pasolini est peut-être aussi contenue dans cet entretien que nous écoutons en primeur. Alors Pasolini pose des questions dans la rue, des questions intimes. Même s'il n'attend pas une réponse aussi intime que ces questions, et là il est face à une mère de famille, combien il a aimé sa mère, Susanna, et il lui parle de son gamin. Madame, et pour vous, le problème du sexe est un problème qui vous intéresse? Vous avez un fils? Oui, j'ai un fils de 12 ans et je m'inquiète de sa croissance, comment il sera, comment il ne sera pas, ses problèmes, ses pensées. Et souvent, je voudrais lui parler, mais c'est encore un petit, je trouve. Mais à 12 ans, il se pose des questions? Oui, il s'en pose. Parce que c'est un enfant assez éveillé. Et parfois, j'aimerais avoir une petite discussion, mais je vois qu'il est un peu évasif, peut-être qu'il a un peu honte. Oui, je vois. Avez-vous étudié votre fils d'un point de vue sexuel, comme vous pourriez l'étudier s'il avait la grippe ou de la fièvre? Non, pour moi, c'est encore un petit garçon. Ah, mais vous aimeriez que votre fils suive parfaitement la norme sexuelle? Oui, ça se comprend, j'aimerais qu'il soit dans la norme sexuelle, enfin régulière. Alors quand il entend ce dialogue, il le reproduit à sa manière, il doit penser Pasolini, il a 42 ans à l'époque où jeune homme dans le Frioul, il a beaucoup fâché sa mère, encore davantage son père, et puis le Parti communiste, et puis l'institution de l'enseignement, il y était instituteur quand on l'a surpris derrière un bosquet dans un buisson, avec des mineurs, corruption de mineurs, outrage public à la pudeur, etc. Oui, ça c'est ce qui a déterminé un petit peu la trajectoire pasolinienne, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il part de son Frioul natal, il part du Frioul maternel, parce que au fond la rencontre de Pasolini avec le Frioul, c'est la rencontre de Pasolini avec un dialecte, avec une langue, avec le frioulan. Frioulan dans lequel il va rédiger ses premières poésies et il choisit donc la langue de sa mère pour renouer avec une certaine intensité, une certaine beauté de la nature, une certaine aussi, je dirais, impénétrabilité du réel. Hein. C'est-à-dire que quand il est face au corps de ces jeunes hommes, il est face à quelque chose qui lui fait sans doute aussi énigme et qu'il ne cesse de traduire par ses poésies. Donc oui, c'est un point de départ, cette histoire de Ramouchelle, bon, voilà, c'est une histoire qui est un peu déterminante aussi, au sens où Pasolini va avoir une trajectoire marquée par sa sexualité, par son amour, cet érotisme lié aux garçons. Et donc, effectivement, une fois que ce moment advient, moment de rupture dans la trajectoire, puisqu'il va devoir quitter le Frioul pour Rome, c'est sa trajectoire d'artiste, de cinéaste et d'écrivain qui va advenir. Et donc, je précise, parce que nous sommes à la radio dans des temps contemporains, en 2021, que le tribunal n'a pas trouvé de preuves contre lui. Ça va mieux en le disant aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux en disant. Fabrice, d'ailleurs, le film, alors Enquête sur la sexualité, commence avec une grappe d'enfants à qui il demande, c'est des enfants de 5-8 ans là. Alors comment naissent les petits garçons et les petites filles dans les choux, dans les cigognes, font semblant de répondre les enfants? C'est une possibilité. On peut interpréter cet embarras des enfants comme une sorte de difficulté à parler du sexe devant Pasolini, devant la caméra. On peut se dire aussi que la manière dont Pasolini travaille ses enquêtes sur la sexualité, c'est pas une enquête qui serait de l'ordre de la sociologie, c'est pas une enquête qui serait de l'ordre des instruments statistiques, c'est une enquête qui passe par cette rencontre très très intime, très sensible avec le corps de ses enfants qui sont... Enfin, ce que je trouve vraiment formidable dans le film, c'est la façon dont Pasolini va, bien sûr, écouter l'embarras de ses contemporains, mais aussi montrer leur corps s'amasser face à la caméra. Et Foucault dit, commentant le film, regardez les visages disent le contraire de ce que dit la parole. Tout à fait. Foucault explique que cette enquête sur la sexualité constitue plutôt un changement de paradigme. Foucault interprète cet embarras non pas à la manière psychanalytique d'un embarras face aux choses du sexe qui serait difficile à exprimer, mais Foucault explique que Pasolini est en train de filmer un changement au sociétal. Il est en train de montrer comment la société de la tolérance est en train de transformer les corps. Oui, cependant, il y a encore le socle, Fabrice Bourlaise. Alors, il le cherche toujours vers le sud, hein, direction le sud. Alors, en Sicile, là, il y a un paysan qui semble croire, dur comme fer, qu'il faut en rester à l'archaïque le plus solide. Dites-moi, pensez-vous que c'est un grand déshonneur pour une femme de ne pas se marier vierge ? Ah, elle doit être vierge. Elle doit être vierge ? Mère de Dieu. Oui, et si une fille n'est pas vierge au mariage ? Quoi ? Tu ne te maries pas ? Je ne me marie pas. Ah oui, et pourquoi ? C'est comme ça. Mais un garçon peut aller avec d'autres femmes. Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi cette différence entre mes femmes ? Il y a de la jalousie. Et vous pensez que ça ne changera jamais ? Parce qu'au nord, par exemple, ces jalousies n'existent pas. Pourquoi pensez-vous que les méridionaux sont si jaloux ? C'est comme ça dans ces villages. Et vous pensez que ce sera toujours comme ça ? Oui, toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça. Et les jeunes de 15 ou 16 ans, pensent-ils aussi comme vous ? Oui, rien. Les années n'ont rien à voir. Quand tu la prends vierge ou rien. Ouais, ça sera toujours comme ça, sauf que c'était pas comme ça se disait. Parce qu'il y avait beaucoup plus de tolérance, de liberté, cachée, dissimulée, qu'on ne le disait dans la société paysanne. C'est un petit peu le mythe auquel Pasolini se rattache, c'est-à-dire l'idée qu'avant la société de la tolérance, une société qui apparaît en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, au fond, une société qui accompagne le développement de la société de consommation, eh bien, il y avait une langue et des corps qui pouvaient s'exprimer dans la vérité, dans la nature de ce que une autre certaine authenticité de la sexualité, un certain rapport libre au corps que la société de la tolérance plus ou moins progressivement nous ferait perdre. De la même manière, au fond, tout le travail de Pasolini sur la langue, quand il s'intéresse au dialecte, c'est aussi s'efforcer de rechercher une certaine authenticité. Il emploie le dialecte frioulan, plus tard le dialecte romain. Ici, il interroge un paysan du sud de l'Italie, parce que la sonorité de la langue résonne radicalement différemment. Elle donne à toucher une réalité qui, selon lui, résiste à la bien-pensance petite bourgeoise qu'il détestait, qu'il ne supportait pas, à l'italietta, la petite bourgeoisie qui, au fond, est tout encombrée de sa normalité. et qu'il retrouve plus au nord, parce que aller-retour sud-nord. Alors nous voici maintenant du côté de Milan. À l'origine, dans le film, c'est dans un dancing que ce dialogue est enregistré. Il a été transposé sur le bord d'une plage, mais au fond, c'est tout à fait vraisemblable, dans une adaptation de la compagnie Y. Alors voici un jeune Godeluro sur la plage. Alors toi qui es parmi tous ces jeunes qui s'amusent et qui se baignent, est-ce que tu penses au fond de toi être différent ? Ouais, au fond de moi je pense que je suis différent. Je sais pas, mais si, je me sens différent des gens que je croise, parce que je pense que je me sens plus intelligent parce que j'ai fait des études et pas eux. Et... Après, ils sont à la hauteur, qu'ils soient ouvriers ou serveurs, ça change rien pour moi. Et sur le plan érotique, sexuel, tu penses être égal aux autres ? Non, pour trouver des filles, je suis plus doué que les autres, même si eux le reconnaissent pas, mais je crois que j'ai un genre qui plaît aux femmes. Voilà. Ah, tu plais aux femmes, donc tu penses quand même être différent en étant plus sexuel que les autres ? Je plais beaucoup aux femmes. Après, c'est qu'un avis personnel. Est-ce que tu sais qu'il existe des anomalies sexuelles comme le masochisme ? Non, je connais pas. Le sadisme ? Non. Et les invertis, tu connais ? Ah oui, ça, les invertis, je connais, oui. Il y a même des invertis, tu peux trouver un inverti qui en fait est une lesbienne. Et il y a aussi des hommes anormaux qui en fait sont des femmes. Et quel sentiment tu éprouves face à ces personnes anormales ? J'éprouve du dégoût, en fait. Du dégoût ? Normal, non ? Parce que vous êtes en train de nous dire, Fabrice Bourlès, qu'il y a une sorte de révolution tectonique des plaques, là, dans les années 1960, mais on ne trouve pas encore les mots pour le dire. Et le jeune Godeluro, il ne les connaît pas, en tout cas, les mots. Oui, le jeune Godeluro, comme vous dites, il est tout à fait paumé dans le langage. Qu'est-ce qu'il emploie comme langage ? Un langage extrêmement normé, des formules toutes faites, un peu vides. Et l'hypothèse de Pasolini, c'est de se dire que cette transformation de la langue, cette normalisation, cette homologation de la langue qui passe notamment, excusez-moi de vous le dire, Jean Lebrun, mais enfin par le développement aussi des masses médias à l'époque, c'est-à-dire que pour lui, on perd ce rapport authentique aux langues dialectales à travers une homogénéisation qui passe par cette référence télévisuelle. Il a des pages absolument atroces sur votre profession, sur les journalistes, sur la télévision en particulier. Et au fur et à mesure que le langage s'harmonise, s'homogénéise, on perd au fond la singularité d'un rapport au corps qui serait un peu plus vivant. Et l'embarras de ce jeune homme est là en train de témoigner de Pasolini de cette révolution que le corps subit malgré lui. C'était quoi le métier de votre père ? Mon père était journaliste. Ah oui, donc Pasolini, il a raison quand il dit que tout se résout par la question de l'assassinat du père et du rapport du père et du fils, parce que les rapports de Pasolini avec son père, qui était officier, lui, était loin d'être facile. Mais une autre remarque, c'est la même chose que quand on parlait de l'image avec les enfants. Les corps, qu'ils soient sur la plage ou qu'ils soient au dancing de Milan, disent autre chose que les mots du jeune Godeluro. Oui, c'est-à-dire que... Il fait chaud, enfin bon... Oui, il fait chaud, ils sont tassés les uns contre les autres. Ce sont des images extrêmement belle que celle de Comizi d'Amore, extrêmement sensuelle. Et c'est cet écart-là qui intéresse Pasolini, c'est-à-dire... Au moment où il tourne Comizi d'Amore, il regarde ses corps encore avec un grand amour, encore avec une grande fascination, encore avec une véritable passion. Au fur et à mesure que l'œuvre progresse, au fur et à mesure qu'il avance dans ses attaques répétées contre cette Italietta, contre cette société petite bourgeoise, son regard sur les corps va s'assombrir. Restons-en un moment joyeux, si vous voulez bien. On est un peu après Enquête sur la sexualité. On est en 65, il vient de rencontrer Ninetto Davoli. Alors voilà, la réserve de joie intense, le jeune homme de 15-16 ans qu'il aime passionnément et qui est l'innocence même. Il est de Calabre, il est du Sud. Et alors, il fait un film extraordinaire, Uccellacci et Uccellini, avec Toto. Toto, c'est le papa, Ninetto, c'est le fils, et ils cheminent tous les deux le long d'une route et on voit le paysage urbain à leur côté qui se transforme et un corbeau s'invite au milieu de leur voyage pédestre pour leur dire la vérité. Alfredo Bini présenta L'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia, uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto, Davoli Ninetto. Producendo rischio alla sua posizione, Alfredo Vini, dirigendo rischio alla reputazione, Pier Paolo Pasolini. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Une semaine sur la mesure de la sexualité contemporaine. Bon, c'est pas un homme de mesure, Pasolini, qui nous occupe avec Fabrice Bourlaise, auteur de Pulsions pasoliniennes, mais un homme de vision. Alors, Totò et Ninetto, ils cheminent le long d'un paysage urbain, je disais paysage de lisière. Oui, c'est-à-dire que Ninetto et Totò sont l'archétype du père et du fils. C'est un autre road movie, en quelque sorte, que celui que présente Pasolini dans Uccellacci Uccellini. Et il nous montre, au fond, un autre visage de Rome. C'est-à-dire qu'on est dans la périphérie. Et ça, c'est important de rappeler à quel point Pasolini n'était pas intéressé par le centre urbain, historique, la belle ville. Ce qui l'intéresse, ce sont les lisières, ce sont les borgate, c'est-à-dire les lieux qui sont à la lisière de la ville. Qui ne sont pas encore entrés dans la sociologie normée. Exactement. Ce sont des lieux qui sont en pleine transformation où, pour lui, on retrouve ces corps libres, ces corps authentiques, les corps qu'il a croisés dans son Frioul natal. Et on a là toute une langue qui reste très vivante et qui, progressivement, est en train de se transformer. Donc, on a, dans ce film, le paysage d'une transformation linguistique, mais aussi d'une transformation urbaine. C'est la ville, le corps, la langue qui se transforme. Et c'est ce que Pasolini décrit, déplore, critique. Le corbeau qui dit la vérité, qui est un peu franciscain, au fond. Le corbeau, il va être mangé. Oui, le corbeau se fait lui-même bouffer. Les gros mangent les petits. Les gros oiseaux mangent les petits, et au fond, père et fils se font un régal de dévorer l'idéologie de gauche de ce corbeau. Justement, c'est symboliquement, qu'est-ce que ça vient signer ? Eh bien, ça vient signer justement cette transformation où ce à quoi on croyait est résorbé dans l'immédiateté d'un. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas parler des corps sans parler du corps social. On ne peut pas. Le corps pour Pasolini est au creux de. Du langage d'un côté et du politique de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas résumer le rapport de Pasolini au corps à travers un rapport par la langue. C'est un rapport où la langue s'inscrit dans le social, dans le politique et dans les transformations que le politique implique sur nos manières de vivre les corps. Alors il y a une trilogie de la vie qui suit ces films, le Décaméron, les Contes de Canterbury, Les Mille et Une Nuits, qu'on a pu lire comme une exaltation de l'innocence du corps, de l'aspiration populaire à la joie, sans se poser trop de questions. Ninetto Davoli était le héros de ces films, qu'il a renié ensuite parce qu'il a dit « c'est pas l'avenir, ça ». Il ne renie pas, il abjure. Ah, ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne le supporte plus, ça veut dire qu'il ne veut plus voir ses corps, il les condamne, il ne se sent plus en adéquation avec lui-même à partir du moment où il y a cette transformation anthropologique. Il mâche pas ses mots, Pasolini. Il est face à une sorte de révolution qu'il vomit, au fond, de son peuple. Il est une condamnation sans borne de son peuple, où les corps ne sont plus reconnaissables pour lui. Ils sont tous homologués. Ils sont devenus des marchandises. Ce sont devenus des images. Ce sont devenus des marchandises. Ce sont devenus des corps sans âme, des corps sans regard, dit-il. La dernière ruse du capitalisme, c'est de nous avoir revendu nos propres corps. Notre propre corps, notre propre plaisir pour Pasolini, c'est-à-dire notre propre sexualité. C'est bien là où l'enquête pasolinienne prend un accent tout à fait sombre. C'est que, autant dans les Comizi d'Amore, il pouvait regarder ça avec ironie, autant ici, dès la fin de son œuvre, dès les écrits corsaires par exemple, la critique sera outrancière et sera d'une violence sans borne. Alors les écrits corsaires, c'est un recueil de textes, d'articles, de correspondances. En France, on a une vision très dispersée de l'œuvre de Pasolini, alors que en Italie, on a réussi à constituer une sorte de pléiade. Mais dans les écrits corsaires, il dit bah, la société est devenue un terrain plat, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de buissons, il n'y a plus de bosquets. C'est ouvert à la circulation des informations. Bah, confère ce qui s'est passé à Paris à la fin de la semaine dernière, des informations qui circulent à toute vitesse. La fin de la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Alors moi, j'étais dans un restaurant à une table où on était quatre, je ne sais pas pour qui on nous a pris, en tout cas, toutes les autres tables étaient occupées par des couples qui étaient tous semblables. Et oui. Alors, on hésite, c'est un dessin de Sampé, c'est un film de Pasolini. Effectivement, c'est en tout cas la Saint-Valentin correspond à un énième avatar de la normalité, c'est-à-dire de vraiment cette espèce de transformation des corps en couple, ou de penser des corps et de la sexualité à partir du couple, sans penser à ce que Pasolini chérissait tout particulièrement, à savoir la diversité. Donc il faut se méfier, disait-il, du langage hédoniste, consumériste, qui pousse apparemment à la tolérance. Il était un peu comme l'abeille contre la vitre, alors il cherchait à combattre ça un peu, par tous les moyens, avec tous les arguments, avec des alliés, souvent imprévisible. On l'a vu lutter contre la contraception, on l'a vu lutter contre l'avortement. Extrait d'écrit corsaire 75. Pour toute une série chaotique, tumultueuse et émotionnelle de raisons, la légalisation de l'avortement est, c'est indubitable, une énorme commodité pour la majorité. Surtout parce qu'elle rendrait encore plus facile le coït, l'accouplement hétérosexuel, pour lequel il n'y aurait pratiquement plus d'obstacles. Mais cette liberté du coït, du couple, ainsi qu'il est compris par la majorité, qui l'a tacitement voulu, tacitement promulgué, et fait entrer de façon désormais irréversible dans les habitudes ? Le pouvoir de la consommation, le nouveau fascisme. Il s'est emparé des exigences de liberté, disons libérales et progressistes, et en les faisant siennes, il les a rendues vaines et en a changé la nature. Premièrement, le résultat d'une liberté sexuelle offerte par le pouvoir est une véritable névrose générale. La facilité à créer l'obsession, parce qu'il s'agit d'une obsession induite et imposée, qui dérive du fait que la tolérance du pouvoir concerne uniquement l'exigence sexuelle exprimée par le conformisme de la majorité. Deuxièmement, tout ce qui est sexuellement différent est au contraire ignoré, repoussé. En parole, le nouveau pouvoir étend sa fausse tolérance même aux minorités. Du reste, les élites sont beaucoup plus tolérantes envers les minorités sexuelles qu'à une certaine époque, et c'est sincèrement, et aussi parce que cela flatte leur conscience. En compensation, l'énorme majorité est devenue d'une intolérance plus vulgaire, violente et infâme que jamais dans toute l'histoire de l'Italie. Ces dernières années a eu lieu, anthropologiquement, un énorme phénomène d'abjuration. Le peuple italien, en même temps que sa pauvreté de naguère, ne veut plus se rappeler sa réelle tolérance. Alors, très difficile de faire l'exégèse d'un pareil texte. Très difficile, on peut dire citer quelques points simplement. Bon, la première chose, c'est qu'évidemment, on ne va pas défendre le Pasolini qui condamne l'avortement, qui prend des positions qui sont complètement rétrogrades ou qu'on pourrait qualifier de réac aujourd'hui. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il déplace la question non pas tellement sur le fait de pouvoir disposer de son corps librement, mais plus du côté du coït. C'est-à-dire qu'il essaye de penser le coït comme non pas seulement un acte privé, un acte intime, mais aussi un acte politique. C'est-à-dire que le pouvoir construit notre propre corps, notre propre intimité. Et au fond, le grand mensonge de la société de la tolérance, c'est de croire qu'on va pouvoir choisir, alors qu'en fait, elle nous conduit à nous comporter en de bons et simples consommateurs. Donc, il s'agit pour Pasolini de prendre une position absolument insupportable par rapport à la bien-pensance qui est celle de ses contemporains. Position, je suis pas certain qu'il y croyait tellement, mais ce qui lui importe à lui, c'est de faire réfléchir les gens sur le rapport très net et très précis qui se tisse entre la société de consommation, le corps et sa sexualité, et la manière dont la sexualité est mise au service de cette société de consommation. 1975, c'est le dernier film, Salo, qui est censé se passer dans la République fasciste finissante de Salo, mais il s'agit aussi du fascisme de la tolérance, et le coït des jeunes hommes et des jeunes filles, qui sont obligés de se comporter, dit-il, comme des animaux, et contrôlés par les hommes de pouvoir, les excellences. Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme « orgie ». Il règnera dans le salon et dans les autres pièces une douce chaleur. Tous les participants seront vêtus selon les circonstances, couchés par terre, comme des animaux, et, changeant de position, ils se mêleront, s'étreindront, s'accoupleront, incestueusement, adultèrement, sodomitiquement. Telle sera, messieurs, notre façon de procéder sans exception. L'industrie des images mettait en scène, faisait commerce des corps sexualisés. Avec Salo, on peut dire qu'il est allé à un tel point limite que le film, même s'il est sur les réseaux pornographiques d'aujourd'hui, accessible, il est hors limite. Il filme l'irregardable. Salo donne à voir un impossible à regarder. C'est-à-dire que Sade essayait de dire l'indicible dans son roman. Pasolini filme... pousse la caméra jusqu'à un point aveugle, jusqu'à un point insupportable. On bouffe de la merde, on filme des tortures absolument insurmontables. Le film a été très mal compris. On a pensé qu'on ne pouvait pas adapter ça au cinéma, en particulier dans la République nazi-fasciste de Salo. En réalité, le film où il n'y a pas de résistance entre les protagonistes vaut comme acte de résistance. C'est un film qui ouvre un enfer cinématographique. Je crois que c'est Blanchot qui disait que Sade était dans l'enfer des bibliothèques. Eh bien, Salo correspond à un enfer cinématographique au sens où il est une résistance par rapport à la machine à rêve hollywoodienne qui est censée nous vendre du couple, de la consommation, à tout va. Donc effectivement, c'est un film que Serge Danet définissait volontiers terroriste, et il écrivait terroriste avec TH, c'est-à-dire qu'il faisait de la théorie, mais qu'il terrorisait également ses spectateurs. On est là dans un cinéma de résistance et de militance plastique. Si on lit vos pulsions pasoliniennes, on fera le rapport entre Salo et un livre posthume qui est paru beaucoup plus tard et qui s'intitule Pétrole, dont vous faites une belle analyse. Et on sait que peu avant que Salo n'apparaisse vraiment dans les salles, Pasolini a été sauvagement assassiné. Ninetto Davoli, qui venait de se marier, de rejoindre la normalité, déchirant ainsi les illusions de Pasolini, a été appelé à identifier le corps. Et il dit... « Je rêve qu'on continue de travailler. Je lui dis « Tu es mort, tu ne peux plus être là. » Il me répond « Mais non, tu vois bien que je suis là. » Et Ninetto Davoli fait toujours le même rêve. Et puis je crois qu'on peut dire que Pasolini est toujours là. Merci à vous, Fabrice Bourlaise. Alors un autre Fabrice. Je vous présente Fabrice Drouel, hélas. Bonjour, dites donc Jean Lebrun. Alors. Aujourd'hui, l'histoire d'un braqueur multirécidiviste, roi de l'évasion. Sa vie est un roman, il s'appelle Redouane Faïd. Et au générique de notre émission aujourd'hui, Elisabeth Collet, Étienne Bertin à la réalisation et pour la préparation, Franck Olivard.